Bonsoir à tous, vous le savez, le sport est à l'honneur ce soir sur TF1. J'espère qu'il n'y aura pas de gestes déplacés. En tout cas, j'aimerais saluer un très beau geste, celui d'un solitaire qui est le seul à l'issue du premier tirage de samedi dernier à avoir trouvé les 6 bons numéros. C'est une performance en soi, ce qui lui a valu un chèque de 13 121 130 francs. Excusez du peu, voici en tout cas le premier tirage bleu de ce soir. Nous sommes toujours en direct. Comme d'habitude, bonne chance. Cinquième boule, le 18.